J'impose ce son, c'est pour lâcher des rimes. J'déballe des billes, des faces terribles, dégage tes clits, dégage bébé, j'dégage tes bêtes, nécro. J'mets ni trop, ni trop, ni moi, on est trop, t'es con, j'ai les gros. La rime qui craque, qui cache, jamais qui claque, qui casse. J'rappe rarement quand j'ramène, quand j'm'amène, moi j'traîne, et j'traîne les wacks comme si nombre normal qui se ramène. Elle sale sans su, on s'est su, et ta pensée sale sans su, un café sans sucre, c'est comme une poussière sans sale. C'est sans ça, c'est sans cesse, on s'emballe sans arrêt, son série sérieux, c'est rare, donc j'mets des crasses, des crates, des cales, j'écarte, me casse tout, j'éclate tout à coup de car, touche un car, louche, car elle lâche, tire un coup d'élastique, et là je touche tout. Et là je touche tout. Un barbal, Alien Christ, Nicodème.